connais, analyse et tu verras qui tue ce texte. Je paralyse la foule comme une valise suspecte. J'ai la dalle, j'enlèverai pas mes canines du steak. Les amateurs apprécient quand je place mes rimes avec justesse. À Paris du stress, articule frère, j'avance vite, donc on risque de s'embrouiller si tu me freines. Mieux vaut marcher seul si ton ami pue traître, prêt à serrer ta meuf sous un abri bus crête. Les jeunes traînent, se crèvent entre eux à coups de canifeste. Leur faute ou le manque d'amour qu'on leur manifeste. Bref, faudra t'y faire, c'est pas le décor de Melrose Place. Les flics sont en alerte et du coup tous les escrocs se plaignent. On galère en métro dans les lignes 5, 2, 3. On dit t'as pété la musique, elle est enceinte de toi. On s'esquinte le foie pour oublier les tracas. On promet tant de choses, au final on en oublie les trois quarts. Paris s'écrase, on se tape pour des trucs illicites. Je vous enverrai des cartes postales quand je serai sorti d'ici. J'attends cravate costard, mais ça le fait pas comme mettre un smoking avec une banane cosla. Fais pas ta difficile, t'es une grosse tasse cavale. Laisse-moi te péter, je t'emmènerai cet été sur la Costa Brava. Je me débrouille seul, les autres implorent de l'aide. Mon rap se bonifie avec le temps comme un vin bordelais. J'ai le style idéal et sa copie. J'ai pas un cheveu sur la langue, j'ai un poil, je sors de chez ta copine. Les histoires se compliquent pour des liasses de 500. Ça descend, allumette, essence et chlasse plein de sang. J'arrête les featuring, je perds mes phrases et mon temps. Faudra me payer pour que je m'achète des Nike Airpass et mon tente. Les jeunes se mettent au rap et ils zappent les études. Ils espèrent trouver leur voix entre des basses, des aigus. Leurs discours tournent en rond vu qu'ils n'ont pas assez vécu. Ils veulent des thunes pour pouvoir enfin palper des culs. Ils font leurs bises avec des barrettes et des cubes. T'auras compris que ce qu'ils vendent c'est pas des pâtes, des légumes. La plupart des MC veulent des tasses et des putes. Arrêtez de rapper, vous me cassez les burnes. Hey, j'ai la tête pleine et les comptes en banque vides. C'est illégal, les rappeurs mythomanes sont en vente libre. On me dit évite la crise, putain ça je m'en tape. Le rap a 30 ans et à peine 10 ans d'âge mental. Je rappe H24, ça donne des situations graves. Ils m'invitent en studio mais ils repartent avec le caleçon crade. Attends j'ai pas fini donc laisse tourner le beat. Fais gaffe, mes rimes sont dangereuses, elles pourraient te trouer le beat. J'ai des rimes à gogo comme une danseuse accro au rap que je fais. Toi t'es des modés comme des bottes en croco. J'peux continuer des heures, mais j'préfère stopper le texte. Je risquerais de provoquer des départs en pré-retraite. Risquerais de provoquer des départs en pré-retraite. Risquerais de provoquer des départs en pré-retraite.